Activité 9. 1. Bonjour, pouvez-vous me rappeler au 01 47 72 33 09? Merci. 2. Le numéro de téléphone de la direction est le 03 20 90 01 00. 3. Peux-tu appeler Julia sur son téléphone portable? C'est le 06 09 77 50 11.